أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا كنا نتكلم عن الصيام لأنه كما نعلم يعني قريب شهر الصيام، والصيام من يعني الفرائض العظيمة في الدين كما ورد الحديث، بني الإسلام على خمس ومنها صوم شهر رمضان، لكن بالطبع له أركان كما بينا في الحديث: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. النية وحدها لا تكفي، هذا نؤكده: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حكينا عن النية في بداية الشهر عند المالكية عن الشهر كله، وعن الشافعية لكل يوم، وورد الحديث: من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له، والنية عمل قلبي ولا يشترط النطق بها باللسان ما بين المغرب إلى الفجر. Donc on a parlé du jeûne qui a une grande adoration, et le hadith où le prophète عليه الصلاة والسلام nous apprend qu'il y en a, ils pensent faire les prières, ils ne gagnent que la fatigue. Et qu'il y en a, ils pensent faire le jeûne, ils ne gagnent que la faim et la soif. Ça veut dire la bonne intention toute seule ne suffit pas. Il faut des conditions. Donc il faut les apprendre. Parce que le jeûne, ce n'est pas un simple régime, c'est une adoration. Il y a des conditions précises. Donc autre, on a parlé de l'intention par exemple à mettre. Chez les Maliki, on peut mettre la première nuit sur tout le mois. Chez les Shafi'i, on fait tous les soirs. Et l'intention, c'est du coucher du soleil jusqu'à l'aube. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit ce qui signifie celui qui ne met pas l'intention de nuit avant l'aube, son jeûne n'est pas valable. من لم يبيت نية قبل الفجر فلا صيام له. Donc après il faut s'abstenir depuis l'aube, et ça c'est un point important, surtout dans les régions dans la région parisienne et encore plus au nord, parce qu'il y a des régions où la nuit n'est plus normale quoi pendant juin. C'est les vers le 20 juin, c'est la nuit la plus courte et la journée la plus longue. Donc, ça devient vraiment très court. C'est-à-dire, il y aura, il faut le savoir, jusqu'à 20 heures de jeûne, bien sûr. Il ne faut pas se tromper et se cacher derrière une feuille de boucher. La personne va rendre des comptes. C'est pas, des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment les yeux et disent: ah, moi, j'ai suivi la feuille. Fais la couteau. Ça ne marche pas. Le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزع من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني ما فيش إنسان قالها قالت الابليكاسيون قالت التلفزه وين ماشي. بعض الناس، كثير ناس حط كل شيء على غيره. الله قال: كل نفس بما كسبت رهينه. طلب العلم فريضه على كل مسلم، من لم يكن يعلم ذا فليسال، من لم يجد معلما فليرحل، يقول ابن رسلان. دونك اون ا في لو حديث كي دي كيانا سي في على فان دو موند، هذا من علامات الساعه. Vers la fin du monde, les gens ils vont prendre comme référence des gens ignorants qui, interrogés, répondront sans science provoquant leur égarement, l'égarement des gens qui les ont suivis. Donc, chacun il va rendre des comptes, parce que beaucoup de gens ils se cachent derrière. Ah, il l'a dit. Ah, l'application a dit. La radio a dit. L'imam, il a dit. La feuille du boucher, elle a dit. Tu crois que le jour dernier, tu vas dire ça? Ah non, ça ne marche pas. C'est vraiment stupide, là. Et là aussi, concernant le jeûne, surtout, dans les régions du sud, c'est habituel toute l'année. Mais il y a des régions où ça change. On voit bien, quand tu vas au sud, il y a des jours, il n'y a pas de nuit. Ça, il faut le savoir. Donc les gens, ils sont au courant de rien. Mais tu vis à Paris, il faut savoir des choses. À Paris, il y a ce qu'on appelle la nuit blanche. La nuit blanche, ça veut dire l'aube, elle ne disparaît pas. Donc ça, il faut le savoir. Il y en a, ils croient que Paris, c'est comme le bled. Et tu les vois et tu dis, là, tu te diriges toujours comme au bled vers où se lève le soleil pour la prière. C'est différent. Chaque région, t'es différent. Si tu vis en Australie, c'est pas pareil ici. Donc là, il faut savoir, il faut se réveiller. La religion incite à être éveillé quand même, surtout dans c'est une adoration, le jeûne. C'est pas un simple régime, je suis comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a répété le hadith plusieurs fois. Rubba sa'imin laysa lahu siyam illa al-jou' wal-'atash. Il est très clair le hadith. Il y en a, ils pensent faire le jeûne. Ils pensent faire le jeûne. Ils ne gagnent que la faim et la soif. Ça, c'est un hadith. Il y a le verset dans Sourate Al-Kahf aussi. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسُنُونَ صُنْعًا. واضح. ظن يحسبون معناها ظن نية هذه اللي يقولوا فيها بالعامية. وهم ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هي الآية نزلت في قال سيدنا علي نزلت في النصارى. النصارى عم روحهم يتزوجوا كذا ويبتعد عن الشهوات ولكن لا ينفعه لأنه كافر مشرك. لكن القاعدة عند العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة. في عدة آيات نزلت في أسباب معينة لكن العبرة في الشريعة الإسلامية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تنطبق على أي إنسان يظن بنفسه فعل الخير وهو ضال يعني مخالف لأحكام الله. ليعبد في بقرة هو يظن بنفسه يعمل في الخير. هل ينفعه؟ ما ينفعش. ليعبد في البقر يظن بنفسه إنسان متقي هو في نيته متقي. ليعبد في الأصنام وكذا لابس كذا يظن نفسه متقي ولكن لا ينفعه نيته. كذلك ثم الناس كما قال الرسول ظن نفسها تصلي وتصوم ولكن ما ينفعش. وعاودنا عدة مرات ظن حفظته حديث البخاري اذهب وصلي فإنك لم تصلي. 3 مرات قالوا الرسول هو دخل الجامع نية مش يسرق لا نيته حقيقة فعل الخير وهل كفت النية لم تكفي. Donc comme quelqu'un qui rentrait dans la mosquée il pensait faire le bien dans le hadith que je répète souvent parce que c'est important jusqu'à ce que la personne retient vraiment. À force de répéter, tu retiens, tu peux transmettre à d'autres. Dans le Bukhari où quelqu'un il est rentré dans la mosquée, il pensait faire le bien. Il ne pensait pas voler, il voulait faire le bien dans son cœur, il voulait adorer, obéir à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Allahu Akbar, il pensait faire la prière. Il est venu après le prophète lui a dit, alayhi salatu wassalam, après qu'il lui a passé le salam, le prophète lui a rendu, il a dit, va faire la prière, tu n'as pas fait la prière. Il va, il refait la même chose. 3 fois, et après, quand il a dit, je ne sais pas faire autre que cela, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a montré. Donc, la règle générale, c'est ce qui est pris en compte, c'est la généralité de la porte du terme, de l'explication, et non pas la spécificité de la révélation. Donc, ça englobe n'importe quelle adoration. Ça parle de la prière, mais ça englobe n'importe quelle adoration si la personne l'a fait sans les conditions, y compris le jeûne. Et là, c'est un point crucial parce que beaucoup de gens, ils vont voir l'eau, par exemple, c'est tôt. Ça, c'est pas. C'est n'importe qui fait de l'astronomie ou n'importe qui connaît un peu l'observation, il sait bien. C'est pas inventé. Il suffit d'aller observer. Les gens, ils se cachent derrière des calendriers. Par exemple, ils vont dire, tu vas manger jusqu'à telle heure alors que l'aube, elle est déjà rentrée. Tu n'as pas d'excuse, il faut vérifier. Et on a vu le verset. شفنا الآية وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. C'est-à-dire, il faut une observation. Il vous est autorisé de manger et de boire jusqu'à ce que vous apparaisse, c'est-à-dire la clarté de l'aube, l'aube fine en fait. Khayt ici, c'est l'aube fine. Khayt, yani raqiq. C'est vraiment fin. dans l'obscurité de la nuit. Donc ça, comment tu le sais? C'est pas à la maison, regardant la télé, tu vas voir l'eau. C'est un phénomène qui s'observe dehors. C'est pas dans un calendrier. هذا يعني علامة جعلها الله تعالى تحتاج إلى المراقبة. الحمد لله نحن خرجنا عدة مرات وراقبنا في عدة مدن لأن هناك أمانة شرعية. لهذا يعني الإمساكين اللي عملناها موافقة يعني قريبة جدا من الواقع. ويعني كل هذوم اللي عملوا وزعوا تلقاها يعني سبحان الله تمشي بحدا في الجزارة تلقى مرمية. يرد باله الإنسان إذا هذه الإمساكية بتاع الجزار فيها أوقات الصلاة رمضان هذه لا يجوز رميها. لا يجوز رميها. إذا إنسان شاف بعينيه فرض يأخذها. إذا شاف وما هزهاش وقع في معصية. هذه أسماء معظمة، أوقات الصلاة رمضان كريم. هم هذوم عطاهم فلوس ما على بالهمش. مو إنسان يخاف الله ما يعملش هذا، أو يقول لهم رد بالكم كذا، ما خلتش بليسيتي إشهار مع الدين. علاش؟ خاطر الناس باش ترمي، يبعث الناس للمسجد أو يعطيهم شيء نتاع إنسان يعني نتاع دين، يقول لهم ما ترميهاش وكذا. مش حد بليسيتي بوشغي وحد تلقاه في الشارع سبحان الله. أنا ماشي تقلقت يعني، علاش؟ فرض عليك تهزها وبعد خاصك تحرقها تقصها هيك. والأوقات تلقاها غالطة، هم ما يعتبروش يعني هذا، يعطيهم غير يعني ينال إعجاب الناس والناس ترضى عنهم ولو في أشياء غالطة. إذن أكدوا يعني الأوقات اللي عملناها نحن راقبنا وكذا. والناس ما تعرفش في شهر جوان ثم هذاك الليل البي يعني سبار مي بلانش، هذه نقول ليلة بيضاء معاها ما يغيبش الفجر، خاصة في 20 جوان قبل بشوي وبعد بشوي بأيامه. هذه يعني يكون معناها الإمساك يكون باكر يعني. فما طريقة شرحناها نحن نزيد نشرحها، لكن الأوقات اللي عملناها قريبة للحقيقة. الإنسان يحتار، المريض يسافر في بلاصة أقل، أو الذي مريض ثم بينا إذا مريض ما شقة لا تحتمل هذا يفطر ويقضي، هذا بيناها. أم يصحش يصوم وهو أكل بعد الفجر. دونك لو موندي il faut le savoir c'est très tôt vers le 20 juin quelques jours après avant quelques jours après le 20 juin et là c'est vraiment très tôt et les temps des prix les temps qu'on a mis c'est vraiment on a observé dans plusieurs villes. Il s'est connu en dehors même chez les gens qui font de l'astronomie, c'est comme ça. C'est un phénomène qui peut s'être observé par n'importe qui. Donc alors on peut pas se cacher comme j'ai dit derrière les feuilles d'un boucher ou la radio dans le jour dernier, tu vas pas dire ça. Tu vas pas dire à la radio ça marche pas. Tu vas rendre des comptes, il fallait faire l'effort parce que c'est un devoir. Si tu vois les bienfaits que Dieu t'a donné, tu comprends. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordé, vous n'y arriverez pas. Donc nous on peut expliquer en détail tout ça parce que on fait ça avec des preuves. Va demander au boucher, voilà, beaucoup de mosquées, il va t'expliquer, il dira ah, c'est comme ça et c'est tout. Ça, c'est vrai. Allez-y demander, il va dire ah, c'est comme ça et c'est tout. Nous, on peut expliquer en détail, j'ai déjà expliqué, on explique, on prend le temps. Donc, pour les heures, c'est pas comme ça. Les gens, ils disent ah, c'est quoi? Tu peux pas parler si t'as pas observé. Tu peux pas parler. Tu peux pas dire ah, c'est comment, c'est très. Mais comment ça, très tôt? C'est basé sur quoi? C'est un phénomène. Tu l'as observé, ce phénomène? Alors là. Tu ne vas pas discuter si tu n'as pas observé. Donc là, les heures, ils sont proches de la réalité et on peut expliquer en détail tout ça. Donc, beaucoup, ils ne savent pas. Ils vivent à Paris, ils ne savent pas. Il faut savoir, si tu vis au Suède, tu jeûnes comme le bled, ça ne marche pas. Au Suède, tu auras peut-être, il y a des moments de l'année, tu auras une demi-heure, demi, c'est tout, ou même moins. Donc, ça, il faut le savoir. Là, à Paris, pareil, il y a un phénomène vers le 20 juin où vraiment, c'est très, très, très tôt, l'aube. Ou voir où l'aube ne disparaît pas. Tous ces détails-là s'expliquent dans la religion, bien sûr. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammad, Tahir Amin, Allahumma rizqna amman nafi'an, wa rizqna wasi'an, wa shifa'an kulli da', subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi, Rabbil Alameen.